Cheikh Nadmi rahmatullah alayh, il a écrit cette nasiha pour démontrer c'est qui al-irhabiyoun awwalan, et thanian pour démontrer anna as-salafiyyin ahl as-sunnah ils sont bari min hadha al-fi'l wa hadhihi at-tafjirat ila akhirih. فقال رحمه الله عليه نقرا ونعلق بما يسر الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد قال فان الله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فاعتصم بهذه النعمه اخي الكريم اخي المسلم لا تغتر بتشويه الكافرين الكفار قديما وحديثا ils essayent de salir l'image de l'islam et des musulmans. À l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام كما تعلمون il savait très bien أن محمدا صلى الله عليه وسلم avant qu'il reçoive la révélation il le considérait أنه c'est une personne pieuse أنه il parle بحق. Et il reconnaissait son rang. Quand il a reçu la révélation, et il leur a démontré que l'islam s'est fondé sur le tawhid, et il leur a démontré que ce qu'ils adorent comme idole, c'est batil, et celui qui meurt à la hada, il est vinnar. Harabou, kathir minhum. Bel, shawwashu, ou hawalu an yushawwashu surata, alayhi salatu salam. Ils ont dit kadhab, ils ont dit sahir, ils ont dit majnoun. Alors qu'ils savent très bien, ils savent très bien d'où il vient, ils savent très bien, ils connaissent sa descendance, ils connaissent sa tribu, ils connaissent son hal, annahu il est ala haq, annahu il est sadiq, lakin al-kufr wal-inad. Wa anta akhil karim, hakada fi hadha zaman. Ils font tout, a'da'ullah, kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala, wa lan tarda anka al-yahud wa lan-nasara, hatta tattabi' millatahum, wa la yazalun yuqatilunakum. Akhbar Allah, Azza wa Jal, ils font tout pour combattre dinul haqq. La taghtar. Al-an, ce harb qu'ils font contre l'islam ou les musulmans, bism al-irhab. Al-irhab, le terrorisme, il est waqi' la shakkafiyyah, lakin c'est pas min ahl al-sunnah, c'est pas min al-salafiyyin. Et eux, ils le savent. Wallahi, ils savent anna ahl al-sunnah, anna al-salafiyyin, ils sont loin du terrorisme, comme Al-Kuffar, Kuffar Quraysh, il savait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était loin du sihr, et il n'était pas majnoun, et c'était pas un kaddab. Lakin, ta'lamoun, anna yuhawiloun, faqat. Ils essayent de chouwash, de chouwah, hatta, ils essayent d'écarter la masse des gens en hadaddi. Lakin, comme aqal, fa inna allaha arsala rasoolahu bilhuda wa dini l'haq, li yudhirahu ala dini kulli, walau kariha al-mushrikoun. Ce din, il se propage, walau kariha al-mushrikoun, walau kariha al-kafiroun, walau kariha al-haqidoun. Fa thabat, al-thabat. Lakin, montre l'haq, c'est muhim. Et montre que ahl al-sunna, ils sont innocents, et ils se désavouent du terrorisme, c'est muhim. قال وأن سيرة الرسول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ترجمة عملية لشريعة الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Celui qui a étudié la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, il connaît sa rahma. Et il saura, ou il sait, أن هذا الدين, qui est fondé sur le Coran et le Sunnah, أبداً il approuve, ou il appelle au terrorisme. أبداً. C'est une rahma. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il avait de la rahma envers les animaux. Marra, il est rentré au masjid et il a vu un chameau ou un âne qui était dans une situation difficile. Min al-jou' ou min al-ta'b. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé. Man sahib hadhihi al-bahima, qala sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala, taqullah li hadhihi al-baha'im. Ma balouk les enfants, ma balouk al-du'afa, les orphelins, les femmes, les vieilles personnes. Ma balouk. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا أشك صن حق قال التي أوحاها إليه والتي أمره الله باتباعها في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآية آية عظيمة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فأخي الكريم أنت الله سبحانه وتعالى إتا أنفوي أميساجي لبخفة محمد عليه الصلاة والسلام. Et il lui a révélé une sharia, Coran ou Sunna. Al-An, tu as un problème, on est tous confrontés à ce problème, le terrorisme. Al-An, tu étudies ce problème avec les kitab ou Sunna. Tu n'écoutes pas n'importe qui. T'accuses pas n'importe qui. Tu comprends pas ce sujet comme tu veux. Abadan. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr. Fattabi'a wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. La tattabi' al-kuffar fi hadha. La tattabi' al-juhal. Ba'd an-nas 'indahum celui qui fait des efforts dans son din, il s'écarte des muharramat. Il a une apparence ala sunnah. Pour eux, forcément c'est un terroriste. Hadha c'est min harb. Min ghazul kuffar ala l'islam ou l'muslimin. Anna ou ils font croire. Anna cette apparence est une apparence de terroriste. Hada c'est batil. Le terrorisme il a des fondements. Le terrorisme il a des ra'ous, des leaders. Anta si tu connais leur afkar, leurs pensées et tu t'écartes de leur min a'immat al-dhalal ha'oula, inshallah tu seras à la khair. Thumma qal رحمة الله عليه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغدر والخيانة ويأمر بالصدق والعفاف والأمانة. Il te montre الآن un aperçu فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre الغدر والخيانة la traîtrise. معروف أن les attentats qu'ils font الآن c'est من باب الغدر. Il va dans un endroit. Annas, ils sont aminines, il y a des enfants, il y a des femmes. Ce n'est pas des muqatilines, ils ne combattent pas directement l'islam avec les armes et la harir. Tu trouves واحد من هؤلاء السبهاء الجهال, ربما il va et il se fait exploser وسط هؤلاء. هذا c'est من الغدر. Et c'est من الخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم, il a mis en garde contre هذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم, comme قال, أمر بالصدق والعفاف والأمانة. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم, il a appelé à ses comportements. الصدق, être véridique. Al-afaf, al-amana, si quelqu'un place sa confiance, ou il y a un aqd baynak wa bayna, ou il y a un aqd baynahu wa bayna d'dawla, la yajouz. Khiyanata, la yajouz. Ça c'est min al-dhulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala naha an al-dhulm. Thumma qal, on lit pas tout, ya jama'a, on khtasar. Qal, أما ما يعمله الإرهابيون في هذا الزمان الإرهابيون سبيان إرهاب يتخدس بار لترورزم قال إسا سافو مونتر أن علماء السنة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله الآن إلي مور يا كالكوز أني ست رسالة إلا يكري يا كالكوز أني ففي الحقيقة celui qui étudie bien le sujet أشد الناس تحذيرا عن الإرهاب والإرهابيين تتخبغى علماء السنة الآن prends l'exemple de Oussama Bin Laden. في الحقيقة il a été poussé, encouragé, armé par les كفار كما هو معلوم. هذا المنحرف الضال كان في beaucoup de mal à l'islam والمسلمي Oussama علماء السنة ils ont mis en garde contre lui il y a des années. Cheikh Mokbila, rahmatullah alayhi, au début des années 90, aradda alayhi. Il a démontré qu'il fait beaucoup de mal, et il fera beaucoup de mal. Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahmatullah alayhi, al-imam, il a mis en garde contre lui il y a des années. Les années 90, kada alayhi. Ah là, ça te montre, anna fil haqiqa, celui qui veut comprendre ce sujet, il revient à ulama al-sunna. Khassatan, nous, on parle à nos frères, les muslimis. Non, là t'as trop les savants de l'islam, les savants de la Ummah, et tu veux comprendre ce sujet avec des écrits des ennemis de l'islam. Eux-mêmes, c'est eux ils se sont servis de Oussama pendant des années. Thumma, quand ils n'ont plus besoin de lui, t'as le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Hada, va nahnu nunabbi ala hada, anna hada d-din, wa hadi al-masail al-azima, tu reviens à ahl al-ilm, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Qala, amma ma ya'maluhu al-irhabiyun fi hada al-zaman. الذين يلبسون الأحزمة الناسفة أو يقودون السيارات المفخخة نعوذ بالله. نعم il montre أن tous ces attentats qu'ils font الآن, que ce soit en mettant des ceintures explosives, ثم il se fait exploser, ou une voiture bourrée d'explosifs, ثم ils la font exploser dans un endroit. قال فإذا وجدوا مجموعة من الناس فجر اللابس نفسه أو فجر سيارته ونفسه، فهذا أمر ينبني على الخيانة. صحيح، خيانة. الناس يسون آمنين، الناس يسون حولك، وهؤلاء الفجار الضلة ربما يسفي إكسبلوزي وسط هؤلاء فام أنفان ولا يبالي. فسمونتخ لا دانجوروزيتي دي أفكار، دانجوروزيتي دي أفكار الهدامة، لأن سي جون لا قد يقول قائل كومون سو جون يفا سو فير إكسبلوزي وسط الناس إي في إكسبلوزي سون نفس إي سو سويسيد. تو سا سي حرام في الإسلام، لكن لا كيستيون كون سبوز سي كومون إن أريفي لا. إلا أفكار، إلا ils se sont écartés de manhaj ahl sunna, ils se sont écartés de jaddat al haq, ils se sont égarés. Fa al haqiqa, pour combattre le terrorisme il faut revenir au haq. C'est pas une solution de se rapprocher des kuffar, abadan. C'est pas une solution de délaisser sunna, abadan. Fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. La solution pour ces jeunes, c'est de revenir au haq, kitab wa sunna. قال فالإسلام بعيد عنه كل البعد. صحيح، الإسلام بعيد عنه كل البعد. الإسلام اللي بعيد عن هذا، الإسلام اللي بعيد عن هذا الدمار، هذا التدمير، هذا التفجير، أبدا. contrairement à ce que بعضهم يسعي de faire croire. فلهذا vous avez remarqué que souvent le mot islam il est lié à ce تفجير، à ce tadmir. Vous avez remarqué, hada islamiste, ils disent terrorisme islamiste, ils essayent. Hada c'est même pas de t'échouer. Mais l'islam il est loin de hada. T'as pas besoin de mettre le mot islam avec le mot terrorisme. Mais le terrorisme ou l'islam il est loin de hada. Ou alors si ces gens ils prétendent appeler à l'islam, combattre pour l'islam, c'est pas chaque personne qui appelle à une chose qu'il est à la haq. Qala فالإسلام بعيد عنه كل البعد أو كل البعد ولا يقره أبدا. صحيح. Et celui qui revient en savant de l'islam, que ce soit sur site internet ou leurs audio ou leurs livres قبل ذلك ou leurs khutab, les prêches du vendredi, العلماء السنة قديما وحديثا يمتون garde contre هذا الظلال. ففي الحقيقة الإسلام il est bari, il est bari عن هذا ولا يقره أبدا كما قال. قال وإنما يعمل الآن من الأعمال الانتحارية في بريطانيا أو غيرها من البلدان إنما يعملها ويخطط لها التكفيريون الخوارج. C'est ce groupe الخوارج التكفيريون ce qu'ils appellent الآن تنظيم القاعدة le groupe القاعدة. هؤلاء c'est eux qui propagent هذا. C'est eux qui propagent هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre هؤلاء كما سيأتي. أما الأعمال الانتحارية في الإسلام c'est حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى في القرآن et son prophète صلى الله عليه وسلم في السنة ils ont interdit الانتحار, se suicider. Voilà, c'est pour cette cause qu'ils prétendent, tout ça c'est باطل. T'as pas le droit. T'as pas le droit de te suicider. بل في الحقيقة هذا c'est une faiblesse de leur part. أنهم سيدي جهال ils se précipitent, ils reviennent pas au savant de la sunna, ils suivent leur passion, ثم ils se suicident et ils prétendent que ce suicide, في الحقيقة ils se suicident, ils se font du mal à lui, ils font du mal aux autres. في الحقيقة ils se suicident et c'est un meurtre كذلك. لا يجوز له. Tout ça c'est من الأهواء. Tout ça c'est من الهواء. أما نتحداهم كي سيت أن دليل من كتاب ومن سنة أو أقوال أهل العلم المعروفين ceux qui sont على الحق إن ست أين قالوا بهذا الضلال. قال ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ميمم. أخي الكريم أنت pour comprendre الآن cette مسألة tu dois revenir au prophète عليه الصلاة والسلام. Tu dois revenir au Coran. Tu dois revenir à la sunna. أما فلان il a dit les rumeurs, ils accusent, tout ça لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع. Comment il a mis en garde contre هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام يأتي في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. تأمل الحديث. يأتي في آخر الزمان أي après l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم notre époque qu'on vit là, la fin des temps. يأتي بآخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. C'est des jeunes. سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. أي, ils vont prétendre suivre le sunnah. Et ils vont utiliser des hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم a démontré à l'homme, ils vont sortir de l'islam comme la flèche, elle sort de sa proie. قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن بقتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné de combattre هؤلاء الخوارج. هؤلاء الآن qui font الفوضى في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. قال وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر قتلى تحت أديم السماء. صحيح, شر قتلى. S'ils se font tuer face au charru qatla, تحت أديم السماء, الخوارج. وقال خير قتلى من قتلوه. Celui qui se fait tuer par هؤلاء, Inch'Allah, c'est خير قتلى. لأنه il est مظلوم. لأن الخوارج, ce qu'ils appellent un تنظيم القاعدة, c'est des ظلمة. قال وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنا في قتلهم أجرا عند الله وقال عنهم كلاب النار. نعم, كلاب النار. والصحابة رضي الله عنهم يزنقوا باتوا هؤلاء. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما هو معلوم إلى كم باتوا هؤلاء الخوارج الضلة. قال وعلى هذا أي أبخي لحديث كلاسيتي قال وعلى هذا فمن المعلوم أن الإسلام بريء من هذه التصرفات الهوجاء الرعناء. صحيح, الإسلام il est بريء. Ça c'est pas تصرفات العقلاء. Ils tuent des innocents, ils se suicident, des attentats. شوف الآن على فوضى, شوف الآن على فوضى في الأمة الإسلامية في البلدان الإسلامية العربية depuis les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, les ulama ils ont mis en garde. تبرأوا من هذا, que ce soit القاعدة ou pas qu'a fait هذا, علماء السنة ils ont mis en garde contre هذا البيع. Ils ont mis en garde, ça c'est pas mis l'islam. Abedan, tu tues هكذا des gens, femmes, enfants, هذا il est au travail, هذا ثم هكذا, ces attentats نعوذ بالله, des milliers de morts. وتأمل أنت la communauté comment depuis ces attentats le mal que dans les pays arabes et musulmans. Un char azim, un char azim. Et ils ont fait du mal à la da'wah. Et ils ont choué le surah. C'est mon khattat min al-kuffar. Et ils se servent de ha'oula, hudatha al-asnan, sufa ha'oula ahlam. Al-kuffar, ils se servent de ces jeunes, de ces ignorants. Et d'aïman, ils prennent, vous avez remarqué, des rumouz. Oussama, Oussama. قتلوه comme ils ont prétendu. ثم الآن داعش فلان فلان دائما pour شوه الصورة. Et vous avez remarqué que ces personnes qu'ils utilisent et qui médiatisent جدا, ils ont l'apparence de sunna. حتى الجاهل il fait plus la différence, il fait plus la différence. هو il avait l'image de Oussama Bin Laden, il a un camis, il a une barbe, il a l'imama, il voit un autre, il est tabarra et il est innocent, il appelle pas هذا أبدا, لكن il fait plus la différence. Et ça c'est une harb al-kuffar à l'islam ou al-muslimin. Et il asaf, tu trouves min juhal al-muslimin, rubbama yubghid akha, ou il a une mauvaise pensée de son frère, rubbama c'est un proche, il est de sa famille, illa li annahu tamassaka bis sunnah. Et voilà où il lui montre, il lui montre annahu, il est contre les attentats, il est contre hadi tafjirat, contre les attentats suicides, lakin son cœur il est devenu malade. Li anna ce tapage médiatique là, il a un but précis, c'est combattre l'islam ou le muslimi. Si tu veux une mise en garde contre le terrorisme, prends-la عند علماء السنة. Inch'Allah, tu vas le trouver بأحسن بيان. أحسن بيان. قال وإن الذين يتهمون السلفيين الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهج الصحابة. Ça, ça te montre أن كثير من هؤلاء من الكفار ومن غيرهم من أهل الضلال يتهمون السلفيين. والله أنهم au fond d'eux, خاصة ceux qui ont des grosses responsabilités أو المخابرات leurs renseignements généraux إلى آخره, ils savent très bien أن السلفيين ils sont بريئين من هذا, أن السلفيين بريئون من هذا, ils le savent très bien.

Et ils mettent en garde contre ces livres. Léana, ces livres, khas, c'est un kutub Sayyid Qutb, fiha at-takfir al-wadih. Anna, les gouverneurs, c'est plus des musulmans. Anna, l'ammas, l'un des musulmans, c'est plus des musulmans. Léana, ils jugent plus par les lois d'Allah, il a akhiri. Tout ma ba'd al-shabab, al-subah al-dullah, ils ont lu ces livres, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'islam al-haq. Ben, ils ont compris l'islam par rapport à ces livres, ils se sont égarés. Et l'an, ces kutub, elles sont répandues d'itten. Hatta fi bilad al-kuffar. Falimad al-kuffar qui prétendent vraiment combattre le terrorisme, les madas ne combattent pas ces livres. T'as déjà entendu al-kuffar parler de Sayyid Qutb? Abadan. Abadan. Ils savent très bien al-shar, le takfir l'an qui est propagé. Al-Qutbiyya, al-Sururiyya, al-Khawarij. Leur usul, c'est ces livres. Les livres de Sayyid Qutb. Lui-même, Sayyid Qutb, il a été élevé aux États-Unis. Lui-même, il a été élevé عند al-kuffar. Voilà, c'est pas baïd annahu. أنه إلى été poussé pour faire du mal à l'islam ou aux musulmans. فالحذر الحذر tu prends ton ilm d'une personne que tu connais pas. الحذر tu prends ton ilm من عند أهل البدع. سيد قط بن لادن و autres. احذر prends ton din, prends ton ilm عند علماء الإسلام, علماء السنة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه, الشيخ الالباني, الشيخ مقبل, الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليهم, les savants الان qui sont vivants, الشيخ الفوزان, الشيخ عبد المحسن العباد, tout cela tu prends ton ilm عند هؤلاء باذن الله, dans ce sujet et autres ils te montreront l'islam الحق. قال ومن معه في هذا المنهج الخاطئ, منهج التكفيريين, منهج الاخوان المسلمين, منهج القطبيين, ce qu'ils appellent الان القطبيين, اتباع سيد قطب, tout ça c'est des manahid dhalla, ils appellent au batil. Fa alayka bis sunnah, as sunnah fiha naja. Qala bal yukaffirun bil ma'asi wal ma'asi la yaslam minha ahad. Sahih, yukaffirun bil ma'asi, c'est ça qui les a poussés au terrorisme. Pour lui le gouverneur c'est un kafir, on parle dans les pays musulmans, pour lui le gouverneur c'est un kafir. لأنه il a des ma'asi, il s'habille comme un kafir, ربما il boit de l'alcool, il fume, il a akhiri, pour lui c'est un kafir. الشعب كذلك. Tant que t'es pas avec lui, c'est que t'es accepté ce gouverneur, t'as accepté le kufr, donc forcément t'es un kafir. Tout le monde s'autorise à tuer, à faire des attentats. Il a arrêté. Ah là, c'est ça, c'est ça. La solution pour combattre le terrorisme, c'est de combattre ces manahij batila, manhaj al-ikhwan al-muslimin, manhaj al-takfiriyin, manhaj al-qutbiyin, et revenir à sunna. C'est ça la solution. قال والحقيقة أنه لا يجوز أن نكفر أحدا من المسلمين إلا من كفره الله سبحانه وتعالى كالمشركين شركا أكبر. هذا c'est ça le موقف صحيح من الإسلام. نحن ça veut pas dire on accepte les péchés, لكن les péchés il y a des niveaux. C'est pas celui qui fait un péché c'est plus un musulman. أبدا. Ça reste ton frère. T'as pas le droit de lui faire du mal. ما بالك un attentat tu le tues. لا يجوز هذا. Chaque chose a sa place, c'est ton frère, tu le conseilles. Et al-rifq wa al-hikma, c'est matloub. Amma, celui qui tombe fi shirk al-akbar, n'am. Bien sûr, avec des shurud, des mawani' pour le mu'ayyan. Amma al-hukm al-am, n'am, c'est un kafir billah. Walaw, si ça devient un kafir, c'est pas autorisé que anta tu le tues. Ou tu fais un attentat, abadan. Al-umour, elle revient à ahl al-hal ou al-aqd. Ce genre de choses, ça revient au savant, au gouverneur. Amma kul wahed. Il fait des choses, mais neuf, ça fait que du mal à l'umma. Et c'est ce qui se passe là. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Il cite des versets pour montrer que celui qui sort de l'islam, c'est celui qui fait du shirk akbar, qui fait du kufr, celui qui annule son islam. Et رسالتنا وقل الإسلام معروفة. قال وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقال سبحانه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم. Il a cité ces versets pour démontrer أن التكفير c'est pas مجرد une personne elle devient كافرة أن elle a fait une معصية. لا لا أبدا أبدا. عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Si c'est un muslim, c'est un mouahid, il fait الصلاة et il a des péchés, ça reste un muslim. Ça reste un muslim, on yunsah. Et on lui montre. Et on l'aime, c'est notre frère. On l'aime في الله عز وجل. Et on le déteste par rapport à les ma'asi qu'il a. Et on déteste ses ma'asi. أما le détester mutlaqan, le faire sortir de l'islam, le tuer, نعوذ بالله من الضلال. ثم قال الشيخ في الأخير قال هذه هي الحقيقة التي لا يجوز أحد أن يحيد عنها. سس الحق سس الحقيقة أن أهل السنة بريئون من الإرهاب ومن التفجيرات. شريك في الحق سس إلا ساب لكن الجهال la masse des gens ربما il est devant sa télé, ils lui ont dit terrorisme islamiste, ils lui ont montré واحد avec une barbe avec un tamis, il fait plus la différence. Ouais, ils voient un frère في الشارع خلاص. Ça c'est le jahl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des siècles, il a éduqué les sahaba ala hada din. Et il y a eu que du khair jusqu'à nos jours. La tazal ta'ifa min ummati ala al-haq. عارف الحق, celui qui veut le haq, il prend le haq de ses sources, il étudie les choses de ses sources. Amma, la télé, la radio, il écoute Fulan, il a dit, tu connaîtras pas le haq. Ça te mettra que des doutes. Wattaqillah akhil karim, entabih, t'accuses un frère une chose qu'il n'a pas faite. Une chose qu'il n'a pas faite. Wattaqillah. Man qala fi akhihi ma laysa fi yaskanahu Allah radqat al-khabath. Tu dis, t'accuses ton frère de terroriste, t'accuses ton frère, il a fait telle chose et il n'a pas fait. Wattaqillah. أما الكافر هو لا يبالي لاكوز إدت الإسلام. أما نحن الآن نصيحة لإخواننا المسلمين اتقوا الله. Un frère qui fait des efforts في السنة في الحقيقة tu dois l'encourager, fais الدعاء pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il est معصوم, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas d'erreur. Il a des erreurs, conseille-le, c'est ton frère. أما tu te mets contre lui et tu te mets avec le kuffar et chaque frère qui applique la sunna c'est un terroriste, oublie pas que يوم القيامة tu rendras des comptes. والله الكافر il te sera d'aucune utilité. Allah subhanahu wa ta'ala il te jugera. Fattaqillah, cette sunna c'est une rahma. Cette sunna c'est une rahma. Le terrorisme l'an c'est pas une barbe ou un kamis ou une apparence. Le terrorisme l'an c'est des pensées. C'est une aqida qui est propagée par le khawarij et qui est poussée par le kuffar. Si tu veux combattre le terrorisme, combat haoula. Écarte-toi de haoula. Amma tu combats tes frères qui sont à la haq et tu sais très bien qu'ils sont loin de tout ça. والله الآن حتى بعض العوام حتى الجهال beaucoup d'eux الآن ils font la différence entre les salafis et ce qu'ils appellent les al-jihadiyin ou al-takfiriyin ou al-qaïda. Ils savent très bien والله il n'y a pas un groupe qui combat al-qaïda et qui met en garde contre le terrorisme comme les salafis. Tu ne trouveras pas. Ouvre leur site internet, lis leurs livres, écoute leurs savants et tu verras. هذا الله سبحانه وتعالى الثبات قال هذه هي الحقيقة التي لا يجوز لأحد أن يحيد عنها ومن زعم خلاف ذلك من المكفرين الذين يكفرون الموحدين المصلين الصائمين فهو مبطل وداع إلى الباطل. كذلك si tu veux comprendre ce sujet étudie أو lis les paroles de هؤلاء القاعدة التكفيريون الخوارج par rapport aux salafis tu vas voir. Même pardon, ils kuffar al-salafiyin. Et ils disent que les salafis, c'est des umala avec le hukam, ils travaillent avec les gouverneurs, ils n'osent pas dire la vérité, ils manquent de courage. Eux-mêmes, ils accusent les salafis. Comment le salafi lui-même, il va être accusé de terroriste, alors que ce terroriste lui-même, il n'est pas d'accord avec lui. Attaqullah. Mas'ala li wadiha, lakin, fil haqiqa, tu trouveras deux genres de personnes, fil haqiqa. Et ceux qui accusent les salafis de terrorisme. Imma kafir, mujrim, mubtil. Il sait très bien que ce salafi, c'est pas un terroriste, là qui ne veut salir l'image de l'islam ou de l'islam. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, un jahal. Il sait pas c'est quoi le terrorisme et il sait pas c'est quoi ce salafi. Comment il va accuser ce salafi terroriste? Le terrorisme, il sait pas c'est quoi. Et un salafi, il sait pas c'est quoi. Hada, jahal, il va écouter les médias, il va écouter ce qui se dit dans la rue. Ils ont dit, Fulan, c'est un terroriste, Fulan, c'est un terroriste. Qala. هذه هي الحقيقة التي لا يجوز الشك فيها ولا الميل عنها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بيان طيب de الشيخ نجمي رحمة الله عليه en 1426 il avait fait cette نصيحة. Et نحن في الحقيقة on lit ce genre de رسائل والله c'est pas parce qu'on a peur de فلان ou on a quelque chose à se reprocher. أبدا والله c'est بيان الحق. Et nous, on est متوكلين على الله سبحانه وتعالى. Demain, on va mourir, demain, tu vas mourir, et يوم القيامة, il y aura les comptes. Nous, c'est فقط نصيحة, خاصة pour nos frères musulmans, أنهم لا يغترون بالكفار. لا يغترون أنهم, ils accusent n'importe qui de terrorisme. Là. كذلك, mise en garde, on met en garde الشباب, les jeunes, عن هذه الأفكار. لأن le terrorisme, c'est حاصل. On sait que ça vient des kuffars et on sait qu'ils ont utilisé ce groupe égaré le khawarij, le qaïda pour faire du mal à l'islam ou le musulmane. Fattaqillah akhil karim. Taqillah. Si tu veux apprendre ton din, apprends din à la fahmi salaf. Et écarte-toi d'Ahl al-Batil, que ce soit Khawarij, que ce soit l'Ikhwan, que ce soit Jama'at Tablir, que ce soit As-Soufiya, écarte-toi. Al-Shar, il n'y a pas de khayr, al-Shar. Al-Shar, c'est du Shar. Si tu veux le khayr, reviens à Ahl al-Khayr. Kadhalik, Fihad al-Ayyam, toujours par rapport à notre sujet du terrorisme, cette fitna, par rapport à la Syrie, par rapport à l'Irak, ما يسمى بداعش داعش معروف سنقرأ كلام مختصر ونغزم كلام الشيخ عبد المحسن بقمبلت كلام الشيخ النجمي لأن الآن هذه سن فتنة فتنة عظيمة على الأمة اي والله كذلك tout ça c'est poussé par les kuffars ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak وبعض الجهال من المسلمين ils appuient هذا ils pensent que داعش اي cette دولة Dawla islamia, ce qu'ils appellent, ils sont à la haq. Ils l'appellent le califat islamique, le khalifa islamia. Ba'd al-juhal, ils pensent que c'est. Tout ça, c'est haq. Ils pensent que c'est l'islam, le haq. Bel ba'dhum, rubbama, il veut se rendre en Syrie, il veut se rendre en Irak pour combattre. Ittaqullah. C'est pas ça de dîn. Haoula, c'est des dollars. Haoula, khawarij, al-Nabi sallam, il a mis en garde contre eux. Ulama, l'islam, il met en garde. Et on va dire l'an, Cheikh min kalam, Cheikh Abdel Mohsen, par rapport à ce groupe. Le haqqa, c'est des khawarij, dollars. Tu trouves des jeunes en France, ou aux États-Unis, ou en Grande-Bretagne, ou dans les pays musulmans, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ils veulent se rendre hunak pour faire ce soi-disant djihad. Tout ça, c'est batil. Qui c'est qui appelle la djihad? C'est ulama al-sunnah, c'est hukam al-muslimin, abadan. C'est haoula al-khawarij. Haoula al-khawarij, et wallahi, ils font plus de mal aux musulmans qu'ils font aux kuffars. Al-an, en Syrie, en Irak, et là, si il est tamakkano, il commence par qui? Par les musulmans. Khasatan ahl al-sunnah. Ah voilà, il tue ahl al-sunnah. Qala Cheikh Abdel Mohsen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala faqad wulida fi al-Iraq. Qabla iddat sanawat. Firqa atlaqat ala nafsiha dawlat al-Islam bil-Iraq wal-Sharq. C'est ça Daesh. الآن حتى بعض الناس يدز داعش ما يدري سكوا داعش حتى بعض الناس اللي يدز عربي فرنسي ما يدري داعش الدال سدولة الألف سإسلام العين سعراق والشين سالشام داعش أي دولة الإسلام بالعراق والشام. ce qu'ils appellent الآن الخليفة الإسلامية. ils ont fait cette دولة en Irak et en Syrie. قال واشتهر ذكرها بأربعة حروف هي الحروف الأوائل لهذه الدولة المزعومة فيقال لها داعش. قال فقد أو نختصر كلامي الطويل. قال ومما يوصف له أن فتنة هذه الخلافة المزعومة ولدت قبل أيام لقيت قبولا عند بعض صغار الشباب في بلاد الحرمين أظهروا فرحهم وسرورهم. Cheikh Abdel Mohsen, il parle de Bilal al-Haramain, l'Arabie Saoudite, il est en Arabie Saoudite, Havidahullah. Wa illa cette fitna, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Yémen, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, au Maghreb, هذه الفتنة انتشرت. كثير من الجهال, انتبه لكلام هذا العالم, Cheikh Abdel Mohsen, c'est من علماء السنة. Il sait très bien ما اغتر بهؤلاء, بداعش, ce califat islamique, comme il l'appelle. مغتر إلا هؤلاء الصغار صغار الشباب pas de علم il connaît pas السنة il connaît pas les savants اغتر فقط avec الآن internet les vidéos qui propagent فقط c'est un jihad et il doit aller là-bas أما il serait revenu à علماء السنة il sait très bien que هؤلاء ils sont à la باطل et والله ce qu'ils font c'est pas un jihad شرعي أبدا قال بعض صغار الشباب في بلاد الحرمين أظهروا فرحهم وسرورهم. بعضهم au départ ils ont cru que c'était khayr. إلى الآن بعضهم يقولون que ils ont cru que c'était un khayr. حتى ils ont été contents. Il y a un khalifa islamia. Ils vont appliquer la sharia. Ils vont rien appliquer du tout. والله ils font du mal à l'islam aux musulmans. Et والله ils sont financés par le kuffar. حتى الكفار يتمكنون en Irak et en Syrie. فقط. لا تغتر. Tu veux le jihad? Fais jihad de ton nafs. Tu veux le jihad? Fais jihad avec tes parents, prends soin d'eux. Tu veux jihad? Jihad al-ilm. Otlub al-ilm. Tu veux jihad? Jihad al-shaytan. Wallahi, ils sont dans une situation critique, ces jeunes. Thomas, il te dit, je vais aller faire le jihad. Lui-même, il n'arrive pas à s'en sortir. Thomas, il veut aller faire le jihad en Syrie et en Irak. إخوان تقوا الله. ils font du mal aux musulmans, comme on a dit. لأن الكفار ils en profitent ثم يدفرنسي plus bas. واحد يبي يطلب العلم خلاص il est combattu. واحد يبي aller faire الهجرة il est combattu à cause de هؤلاء الجهال. قال وكيف يرتجى خير ممن ابتلوا بالتكفير والتقتيل بأشنع القتل وأفضعه. صحيح. Comment tu espères du khayr de Daesh, ce soi-disant califat islamique, cette dawla islamiyya, comment tu veux le khayr alors que c'était takfir? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré qu'il a ben nar. Comment tu espères le khayr de haoula? Al-haqiqa, tu aurais étudié les fondements de Daesh, de l'khawarij, tu aurais su qu'ils n'ont pas de khayr. Wallahi, ba'd l'ulama, ils kaffar l'khawarij. Comment tu espères le khayr? قال وكيف يرتجى خير مما ابتلوا بالتكفير والتقتيل بأشنع القتل وأفضعه. صحيح. كما يشرح الشيخ عبد المحسن نحن نغزم أنهم يكونون في العراق وفي سوريا يزغرج بالسكين avec des lames avec des couteaux ils égorgent. Comment tu espères خير هؤلاء؟ C'est pas طريقة المسلمين. Comment tu espères le خير de هؤلاء؟ إلا أنهم ضخموهم avec des vidéos sur internet avec des reportages avec des soi-disant ils appellent au djihad et بعض الشباب مساكين ils connaissent pas le din, ils connaissent pas le Coran, ils connaissent pas le sunna, ils se font avoir. للأسف الآن ils ont propagé حتى des jeunes filles là. 15 ans, 16 ans, 17 ans elle va aller aider le mujahidin نعوذ بالله. هذا c'est pas من الدين. C'est pas من الدين أبدا. قال والواجب على هؤلاء الشباب أن يربؤوا بأنفسهم عن الانشياق وراء نعيق كل ناعق. صحيح. نصيحة الشيخ عبد المحسن الشيخ النجمي il a fait pratiquement la même dans la risala qu'on a lu. Attention de pas suivre n'importe qui. C'est pas tous ceux qu'ils appellent au jihad ils sont à la haq. Akhi, essaye de peser les choses avec l'ilm. Si tu sais pas, demande aux savants. Amma واحد il est sorti en Syrie jihad on va en Syrie, واحد en Irak on va. C'est pas ça de dit. C'est pas ça. الجهاد avant le jihad il y a l'ilm, il y a l'amal. Avant le jihad كما قال شيخ الألباني في دولة إسلامية chez toi, إسلامية dans ton cœur chez toi, et inshallah il y aura une دولة إسلامية. Travaille déjà ton cœur, apprends le tawhid, apprends ta aqida, fais des efforts sur toi-même, ثم conseille tes proches, ثم si t'es marié, si t'as des enfants, fais des efforts sur ta famille. Alhamdulillah, t'es responsable en tant que haoula, t'es pas responsable de toute la communauté. ثم si tu peux faire du khayr, في الدعوة, Allah t'a donné du ilm, fais. وهكذا. أما أنت ربما تدعى في situation critique comme on a dit ta famille ربما c'est catastrophique أكثر il veut aller en Syrie il se fait que du mal ربما il arrive jamais en Syrie et ça lui fait que des problèmes. هذا c'est الحقيقة ça rentre pas dans l'عقل لكن هؤلاء الشباب نعلم et والله كثير منهم ils ont plus d'عقل plus d'عقول lavage de cerveau avec internet avec فلان il a dit avec حتى il sait plus ce qu'il fait. Et Kadalik c'est faiblesse, ça fait partie de leur faiblesse. Il ne sait plus s'en sortir, ni din, ni dunya, et il pense que la solution facile c'est hada. Je me fais tuer, halas al-jannah. Wallahi, si tu meurs ala hada al-hal, yukhsha alayk min al-dhalal. Lianna, tu combats avec ce groupe égaré, et tu es sorti pour ce groupe égaré. Hada, ça c'est min al-dhalal. Wallahi, c'est pas un jihad fi sabilillah, abadan. قال وأن يكون الرجوع في كل التصرفات إلى ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الحل. هذا لا solution c'est pas internet, la solution c'est pas الضلال il te pousse au char, c'est pas ça la solution. La solution c'est كتاب والسنة. Tu reviens à أهل العلم et tu obéis à ton gouverneur si c'est un musulman. Si tu veux bilal kuf et t'arrives plus, t'arrives pas à appliquer ton dit, ya akhi, al-hijra. Al-an, ba'duhum, ils sont vibés dans le kufr. Ils peuvent pas appliquer son dit. Et ils veulent aller faire le jihad en Syrie. Anta, t'as même pas besoin de penser à hadan. Anta, ton jihad, c'est l'hijra. Fais l'hijra, et tu vas voir que c'est pas simple. Fais l'hijra, et inshallah, tu préserves ton dit. Et t'appliques ton dit, c'est ça ton jihad. أما بعضهم إذا ما أدري أين ثم يبغضون عند الكفار ثم إلى ذي بروبلم. قال لأن في ذلك العصمة والسلام والنجاة في الدنيا والآخرة وأن يرجعوا إلى العلماء الناصحين لهم وللمسلمين.